soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, bandit à la planète, la famille, il est 7h du mat, le temps aujourd'hui est grisâtre, pluvieux. Ouais, et puis ça va être ça toute la semaine. Mauvaise nouvelle, mais encore la bonne nouvelle, c'est qu'on est là pour vous réveiller jusqu'à 9h, heureux d'être là, c'est Francky, toute la semaine, pour vous souhaiter une très belle journée aujourd'hui. Un peu spéciale, pour tous les amoureux en France, la Saint-Valentin, et sur toute la planète aussi. Alors en France, on est 49% à fêter la Saint-Valentin. Vous fêtez pas. Il y en a qui disent Saint-Valentin avec Valentin. Voilà. Voilà, la Saint va tant loin. Des choses comme ça. En tout cas, on vous souhaite une très très bonne journée pleine d'amour. Et si vous voulez laisser votre message, pourquoi pas, vous nous appelez à l'antenne 02 38 43 48 00. 02 38 43 48 00. Si vous laissez votre message, même pour votre maman, votre papa, votre chérie, eh ben, allez-y, lâchez-vous. 02 38 43 48 00. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Non tenga miedo, mi agarra, toque mi, mi aperta, mi amasa, así no anda tu agua. Consigo me controlar, ten cuidado da mi cuya, não dá mesmo para parar, tata dá mesmo para controlar, controlar, eu é controlar, controlar, eu é controlar, tata dá mesmo para controlar, controlar, controlar. Baby, eu gosto do teu jeito de agarrar, tens o poder de me fazer. Sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. Eu é. E tu, baby, vai. Não tenha medo, me agarra. Toque em mim, me aperta, me amassa. Assim não dá tua custa. Não consigo me controlar. Tem cuidado da minha dá mesmo pra controlar, controlar, eu é controlar. 7h04 avec la Kizomba, avec Bad Oxy, Controla, DJ Carga Events. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio, on est là jusqu'à 9h. Bonne Saint-Valentin tous les amoureux, c'est ce que dit Julie sur Facebook à son chéri qu'elle aime très fort. Voilà, ça démarre très très fort. Vos messages 02 38 43 48 00. Voici le nouveau collectif métissé, la reprise de soin de MNT. Depuis vendredi, le collectif métissé sur les Mentes. Son rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'antenne radio, donc on voulait souhaiter aujourd'hui une bonne fête aussi à toutes les radios. C'était la journée hier mondiale, internationale de toutes les radios sur la planète. Et oui, un sacré beau métier. Voilà, je voulais passer un petit coucou à tous nos animateurs radio ce matin qui sont déjà dans tous les mornings de France et de planète. Voilà, belle journée aussi à Doudou qui est connecté du côté d'Olivier. Salut Francky, belle journée à toi. J'ai pas d'amoureuse, mais bon, je voulais souhaiter une bonne fête à tous les Valentin et Valentine aujourd'hui. Vous avez des bons plans pour ce soir? Vous faites quoi? Ben justement, appelez-moi. 02 38 43 48 00, le standard, vous êtes ouverte. Coucou à Lolo qui est connecté aussi du côté de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Salut Francky, belle journée. Je suis rentré du ski hier et je suis déjà sur la route du boulot pour t'écouter, ça me fait plaisir. Bah merci mon Lolo. Belle journée à toi mon ami, ça me fait zizir tout cela. Omi qui arrive. Et ça c'est du bon. This is the remix. Omi, Nicky Jam. And he's a cat. Quiere que yo la toque, que la lleve en un bikini y la provoqué. Okay. Yeah, yeah. Ella se suelta en vela, tiene ganas de bailar. No le importa que la mire, está loca conmigo. Me dice, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Cheerleader, she is always right there when I need her. She knows like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Ella se suelta en vela, tiene ganas de bailar. No le importa que la mire, está loca conmigo. La miro sin parar, ya no puedo disimular. Tiene todo lo que a mí me gusta, esa cara, ese pelo me tiene. Sin importarme lo que piensen o lo que digan. You got me, baby, como tú lo haces. I want you, Nobody can move it like you do it. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there. See the morning light, but I need you by my side. Girl, you make me feel so right. When I'm with you, I'm alive. When I'm with you, I'm alive. She gives me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need a next one. Mama loves you too. She thinks I made the right selection. All that's left to do is just hold me. A cheerleader, she is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Coup de trompette le matin comme ça, ça fait du bien le lundi. Malheureusement, le temps est gris. Aujourd'hui, pluvieux. Bah ouais, on fera la météo dans quelques minutes avant l'horoscope aussi. Salut Steph qui est connecté du côté de Saint-Jean-de-Bray. Salut Francky, belle journée. Heureux d'être là avec toi ce matin. Bah, moi aussi, mon Steph. Belle journée à tous les amoureux. Ah ouais, on vous aime. El Latina, el mejor, el piso 21. Dime si un día sentiré tu cuerpo otra vez. Algo me dice que quieres volverme a ver. Oye, baby, desde esa noche no paro de pensar en ti. Tú bien sabes que yo soy tu hombre porque no te hace sentir. Y nunca supo amarte como yo lo sé. Él no conoce cada espacio de tu haciendo el amor. Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos. Dime tú si me extrañas como lo hago yo. Y dime, mamacita, que tú quieres que te haga mamá. Hacemos travesura hasta que no pueda más. Pero y de tu casa yo te voy a sacar. Si tu madre te pregunta, dile que te va a robar. Pídeme el cielo y te lo doy. A la misma luna por ti yo voy. Todo lo que quieras, aquí estoy. Escucha ese remix. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas. Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas. Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Estoy loco por sacarte de esta soledad y darte besos de esos que yo no tengo. Cuando quieras que aquí voy a estar. Y si te hizo un daño lo voy a arreglar. J'adore. Pisso 21 sur Radio Arc-en-Ciel, Redette là, c'est Francky dans la radio. Ma vie qui arrive avec Dadju, c'est Francky jusqu'à 9h. Salut tous les amoureux, les namoureux, on est là pour vous souhaiter une très très bonne Saint-Valentin. Mais oui, salut Lolo qui est connecté du côté de Saran. Francky, belle journée, sous le soleil aujourd'hui. Non, il n'y a pas de soleil, c'est de la pluie malheureusement. Dadju qui arrive avec Ma vie, on vous souhaite une très très bonne journée. Courage à vous si vous allez au taf, c'est lundi, ouais, c'est pas facile. Mais le rayon de le soleil là, Francky, 7h-9h. Ma vie, c'est Dadju. T'as détruit ma vie. Détruit ma vie. Ma vie. Est-ce que t'y penses? Qu'est-ce que ça te fait? De m'avoir pris jusqu'au dernier morceau du cœur que t'as détruit. Pour la Saint-Valentin. En tout cas, on vous souhaite une belle journée. 7h19, Francky dans la radio. Et puis du son Latina pour bien vous réveiller. Et ça fait du bien. Salut à Soso Kioski qui nous écoute sur le net. Salut Soso, c'est Van Bailalo. Para pariciar y no pa' dormir. Vinimos a pariciar y no pa' dormir. Vinimos a pariciar y no pa' dormir. Vinimos a pariciar. Me vuelves loco cuando tú me pegas, mame. Es que me vuelves loco cuando tú me besas, mame. Es que me vuelves loco y loco. Es que me vuelves loco. Es que me vuelves loco y loco. Es que me vuelves loco. Es que me vuelves loco cuando tú me pegas, mame. Es que me vuelves loco cuando tú me besas, mame. Es que me vuelves loco y loco. Minutes. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Happy Saint-Valentin, 49% des Français en couple déclarent fêter la Saint-Valentin avec leur conjoint d'une façon ou d'une autre. Près d'une personne sur quatre la célèbre même systématiquement, ça fait 26% de la population. La fête des amoureux est un peu plus populaire quand même chez les jeunes, on va dire 60% des moins de 34 ans fêtent la Saint-Valentin. Est-ce que vous allez la fêter ce soir ou alors vous en foutez carrément, pour vous c'est purement commercial? 02 38 43 48 00, si vous voulez passer l'antenne, passez un petit message justement pour votre amoureux, une amoureuse aujourd'hui, ben n'hésitez pas. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Belle journée, bon réveil avec une reprise de Tina Turner avec Kigo le DJ. What's love got to do what it sur la Franciel. Coucou à Sania qui est connectée. Salut Sania, belle journée à toi qui va au taf ce matin. Allez, femme de ménage, bah salut à toutes les femmes de ménage ce matin. Bah ouais, ça commence le bonheur le ménage. What's love got to do white heat, la reprise par DJ Kigo. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react, that it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? Oh, what's love got to do with it? What's love? What's love? confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do it? What's love for the second-hand emotion? What's love got to do it? Who needs a heart when a heart can be broken? J'adore cette reprise de DJ Kigo, de Tina Turner, What's Love Got to Do What It. J'ai fait des programmes en anglais. Hein. Salut la famille, 7h27 minutes, la météo. La météo. La météo pour aujourd'hui, bien le ciel est pourri et ça va être toute la semaine malheureusement. Ah là, j'ai la mauvaise nouvelle, hein. Si vous êtes sur Orléans, ça va être pourri quasiment toute la semaine. Peut-être vendredi, samedi, un petit rayon de sol, mais timide. Hein. Aujourd'hui, les températures 3 petits degrés, on ne dépassera pas les 11, des nuages et de la pluie avec vent alterné. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que du son caliente qui arrive. Heureux d'être là avec Zaz. Tiens, la Saint-Valentin, justement, on en parle ce matin. Et le son de Zaz et Saint-Valentin. Belle journée, bon petit déj à tous. Voici Zaz. J'irai dans un bar ce soir. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. J'irai seul, je m'offrirai une rose. Je me battrai pour une place au comptoir. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. J'irai seul, je m'enfuirai une rose. J'irai au cinéma aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. J'irai voir un film. Saint-Valentin. Zaz, j'adore. Ouais, sympatoche. Hein, 7h30, bon petit déj. Salut Doudou qui est connecté. À vous, heureux d'être là. Salut Coca. Caca. Je sais pas, une gifle de quoi alors. Bonne fête à tous les amoureux aujourd'hui. Je suis toujours là. Arc-en-ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Et puis j'ai du boulot pour vous ce matin, la ville de Fleury-les-Aubrais qui recrute et qui recherche un ou une responsable de la commande publique, femme ou homme. Vous pouvez postuler en ligne sur le site de la ville de Fleury-les-Aubrais. Vous tapez sur Facebook ville de Fleury-les-Aubrais et l'offre est là en première page. Belle journée, 7h31, José qui est là. Salut mon José qui est déjà au boulot ce matin. Bah ouais, il faut y aller, hein, mon gars. Hein. Heureux d'être là. 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard. Si vous avez un message à nous laisser, eh bien, allez-y. Lâchez-vous. 02 38 43 48 00. Courage à tous ceux qui vont bosser avec Kongs qui arrive sur la radio couleur. Bon réveil. Matin, 7h34 avec Kongs, le DJ. Et il est Toulouse, le mec, hein. Ah ouais, il est français. Cocorico, Lipstick. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Enfin, ce matin, le soleil, hein, il sera pas là, hein. Ni cet après-midi, hein, ni toute la semaine d'ailleurs. Bonne journée à vous, si vous êtes arrivé du côté de la radio. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, hein, c'est zappé, c'est la fête des anneaux amoureux. Ceux qui ont oublié le cadeau, entre midi et deux. Allez hop, justement les pires cadeaux, à éviter l'électroménager. Ouais, c'est pas facile d'acheter un aspirateur ou un fer à repasser ou une balance à son mec ou à sa copine, hein, ou alors une carte cadeau aussi. Ouais, ça le fait pas trop pour la Saint-Valentin, c'est parmi les moins bons cadeaux qu'il faut offrir, la carte cadeau. Ou le cadeau kitsch aussi, hein, c'est pas terrible, hein, genre le mug avec marqué, je sais pas, ma meilleure amoureux du monde. Voilà, des trucs comme ça à éviter pour la Saint-Valentin. Ne rien lui offrir aussi, peu la vexer, hein, peut dire ouais c'est pas grave, t'inquiète pas, mais bon, ça peut vexer de rien offrir. Bon, on va être là jusqu'à 9h, Francky dans la radio, courage à vous, si vous allez au taf ce matin, il y a déjà des gens

thème, appelle le 02 38 43 48 00. Je ne joue pas au conquistador. Tu le sais déjà comme je t'adore. Tu vas pas aimer mi amor. Quand je joue, c'est pour la médaille d'or. Quand tu bouges sans lâcher mon regard, sur ta bouche j'imagine des histoires. Si tu boutes, ne le fais pas ce soir. Quand je joue, c'est jamais au hasard. C'est jamais au hasard. Ça peut commencer comme ça, mais jamais finir. Tu sais, on sait pas. Le feu s'éteint pas comme ça. On va pas mentir, on le sait déjà. Moi j'oublie tout quand tu danses. Tu n'as pas raison, je n'ai pas tort. Si je te dis non, tu ne seras pas d'accord. Dans mon cœur, toi, tu voles encore. Je te promets, je vais rester fort. Je vais rester fort. Attends. J'avais déjà donné, on m'avait déjà tout repris. Je pourrais tout abandonner si on me l'avait dit. Encore, encore de toi, on pourrait s'en aller là-bas, toi et moi. J'adore, c'est le nouveau Kenji Girac et Conquistador. Beau temps hein, sur un beau bateau. Ouais, le beau temps aujourd'hui, c'est pas ça. Hein. De la pluie, malheureusement, des nuages. Jusqu'à 11 degrés, l'horoscope d'amour qui arrive ce matin pour la Saint-Valentin. L'horoscope, c'est maintenant. L'horoscope côté amour, aujourd'hui, que va-t-il se passer? On démarre avec les béliers. Après des semaines compliquées où vous n'aviez que votre travail en tête, vous devriez profiter d'un moment d'alchimie pour renouer avec les liens harmonieux et votre partenaire. Les taureaux, vous démènerez pour le bien-être de votre famille et de votre bien-aimé aujourd'hui. Les gémeaux, c'est encore le milieu amical qui réserve le plus de satisfaction à conditionner et d'éviter les discussions d'argent avec votre petite amoureuse aujourd'hui amoureux. Ben ouais, c'est pas facile aujourd'hui d'entamer le discours argent ce matin. Les cancers, vous n'êtes guère enclin au romantisme en ce moment, alors bougez-vous un petit peu. L'horoscope pour les lions, vous aurez beaucoup de succès auprès des personnes du sexe opposé, les vierges. Grâce à vous, votre entourage se mobilisera autour d'un projet à long terme. Votre vie conjugale sera très agréable aujourd'hui. Les balances, vous ferez preuve d'une belle assurance sentimentale ce matin.

te deja ni esa manera. Dios puede parar eso que al bailar te controla tu cadera. Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quite ahora, que todo solo empieza. Mueve la cabeza y sacude duro. Avec Lucenzo Donoma, la bande originale de Fast and Furious 5, Danza Kuduro, d'être avec vous aujourd'hui. C'est la Saint-Valentin de la douceur, justement, ce matin. On va privilégier ça. Tiens, c'est pour Ludo et Chantal qui nous écoutent sur le 96.2 FM aujourd'hui, direction le taf, ça y est, en couple. Et ouais, Love Me Like You Do, Ellie Goulding. Waiting in, fading out, all the age. Radio Conseil en direct, ça me fait plaisir de vous retrouver avec du monde qui veulent passer des messages ce matin. On est avec... Ah, bah ça a raccroché. Bon, on va la retrouver dans quelques minutes juste avant. Du son qui arrive, c'est Los Lobos, c'est la Bamba. Et plein, belle journée. Et bon réveil, 8h01, 02, 38, 43, 48, 00, c'est le numéro du standard. Si vous voulez passer un message, eh bien, vas-y, lâchez-vous, 02, 38, 43, 48, 00. Belle journée, bon réveil sur Orléans. Ça fait plaisir de vous retrouver. Soleil dans les larmes. Arc-en-Ciel en direct ce matin, 8h04 avec le meilleur des souvenirs et Florent Pagny. Bienvenue chez moi, un petit clin d'œil à Florent aujourd'hui qui lutte contre le cancer. On vous souhaite une très très bonne journée. Les messages d'amour qui arrivent au 02 38 43 48 00. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. C'est le numéro du standard, vous pouvez le composer ce matin, 02 38 43 48 00. On est avec qui ce matin au téléphone? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. En pleine forme, c'est quoi le prénom? C'est Florin. Salut Florin, en plein boulot peut-être là, non? Oui. Tu bosses dans quoi? Dans l'administration publique. Ah, ça c'est bien ça. Il en faut. Hein. Un message d'amour ce matin à 8h05 en direct à la radio? Oui, je voudrais souhaiter une bonne Saint-Valentin, mon chéri d'amour. Il s'appelle comment? Francky. Francky? Ah bah c'est le même prénom que Francky, c'est marrant. C'est moi. Ah oui. C'était pour moi peut-être, non Florent? Peut-être. Ah peut-être. Ah. Elle a une belle voix Florent en tous les cas. Elle ressemble à quelqu'un que je connais en tous les cas. Bon bah bonne Saint-Valentin à tout le monde. Bonne Saint-Valentin, Katia. Ah là là. J'adore le matin comme ça qu'on nous fasse des belles choses. Ça fait du bien. Hein? Plein de bisous. Plein de bisous. Vous aussi, vous pouvez laisser vos messages 02 38 43 48 00. Du son qui arrive avec Échappement la culpa. Oh no. En esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Radio Soleil, dès 7h, avec Francky. Por culpa de tu embrujo, parece que tú ya no me quieres. Eso es

danser là-dessus. Hein. Et justement, en parlant de danser, les discothèques qui réouvrent à partir du 16 février hein, sur Orléans, ce sera le 18 le week-end. Hein. Donc n'hésitez pas à aller faire la teuf ce week-end en club. 8h15, Les Avions, Nuit Sauvage, 1986. Ça fait partie d'un des tubes en France. Hein. Vous avez dansé, vous avez chanté, même en mariage, dans une soirée, n'importe où. On le dansera tout le temps. La météo pour aujourd'hui. La météo. Le ciel est couvert et nuageux ce matin, malheureusement, grisâtre, de la pluie, des nuages, de la pluie, des nuages. 11 degrés aujourd'hui, c'est le max, et on s'est réveillé avec 3 petits degrés. Et malheureusement, toute la semaine, ça va durer. Hein. Le ciel sera couvert et nuageux, avec peut-être quelques éclaircies vendredi et samedi, peut-être. Hein. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Nuit sauvage, peut-être ce soir pour vous. Ah oui, Saint-Valentin, voici Khaled. Et c'est la vie. Belle journée, bon réveil. C'est ça, aujourd'hui, on va s'aimer. On va chanter, on va danser, c'est la Saint-Valentin avec Khaled, c'est la vie. Bah oui, c'est la Saint-Valentin. 7h, 9h, votre réveil matin. Valentin de Terni, le 14 février, désigné par l'Église catholique comme le saint patron des amoureux par le pape Alexandre VI, c'était en 1496. Mais on s'adapte, hein. Aujourd'hui, de nombreux pays ont adopté cette célébration, dont la France. Alors ce soir, c'est quoi votre programme pour la Saint-Valentin? Dîner ou alors vous en foutez carrément? 02 38 43 48 00. Vous pouvez réagir au standard. N'hésitez pas à nous appeler. 02 38 43 48 00. Du son caliente au Portugal avec Nemanus. Belle journée et bon petit déj sur l'arc-en-ciel. Soleil dès 7h avec Francky. Chaque soir je ne fais que songer avant d'aller me coucher. Pour moi les ennuis commencent dans le lit, je danse seul face à mes pensées. Un peu de peur et de peine, c'est toujours la même rengaine. Je suis seul face à ces silences, quand les idées s'élancent m'empêchent d'avancer. Je cherche à mettre en veille mes pensées qui s'en mêlent, me privant de sommeil. Mais je ne peux combattre mes démons, fort au-delà des mots. Et je ne sais pourquoi je me sens malheureux. Si je vais les yeux sur le monde, je n'arrive plus à les fermer la nuit. Toutes mes idées se confondent en une ronde, dans la douce insomnie. Comme mes romans.

aujourd'hui. Bah oui, normal, la chaleur. Bah 8h30 minutes. Bon réveil, belle journée. Si vous voulez arriver du côté d'Orléans, Saint-Jean-de-Bray ou Olivet, le ciel est nuageux, pluvieux ce matin. On ne dépassera pas les 11 degrés. Eh, mais bon, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, donc la fête de tous les amoureux, si vous êtes amoureux ou pas. Vous pouvez nous appeler si vous avez un message à faire passer. 0238 43 48 00. Le meilleur des souvenirs, ça c'est tous les matins avec un son disco. Bah justement, pendant disco, les discothèques qui vont réouvrir à partir du 16 février en France. Ça va faire du bien sous la boule à facettes ce matin avec Evelyne Thomas, Ike Energy, haute puissance ce matin, 8h31, belle journée et bon réveil. Ah, forcément, le meilleur des souvenirs, hein, l'été 84, je crois. Je sais plus, hein, je dois avoir la date dans la radio, là. On est en direct ce matin, heureux d'être là. L'horoscope qui arrive. Alors aujourd'hui, la Saint-Valentin. Quelle est votre soirée? Quel est votre programme? 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard. L'horoscope qui arrive. L'horoscope, c'est maintenant. L'horoscope, alors j'espère que la Saint-Valentin va bien se passer ce soir pour vous. On démarre avec les béliers. Après des semaines compliquées où vous n'aviez que votre travail en tête, vous devriez profiter d'un moment d'accalmie avec votre partenaire. Les taureaux, vous vous démènerez pour le bien-être de votre famille et c'est super important en ce moment. Les gémeaux, c'est encore le milieu amical qui réserve le plus de satisfaction à condition d'éviter les discussions d'argent avec votre conjoint. Les cancers, vous n'êtes guère enclin au romantisme aujourd'hui, les cancers. Les lions, vous aurez besoin de succès auprès des personnes du sexe opposé. Les vierges, grâce à vous, votre entourage se mobilisera autour d'un projet à long terme. Peut-être votre conjoint, peut-être. Bah oui, peut-être. Balance, vous ferez preuve d'une belle assurance qui rassurera votre entourage et vous prendrez un engagement durable. Les scorpions, vous avez envie de mettre une touche de fantaisie dans votre relation sentimentale. Surtout aujourd'hui, hein, avec la Saint-Valentin. Les sagittaires, en famille, plus question de faire des efforts pour ménager la chèvre et le chou et pour maintenir un climat harmonieux. Les capricornes, vous baignez dans un climat de douceur et de tendresse et confiance en votre partenaire aujourd'hui. Surtout cette journée, la Saint-Valentin, super important pour beaucoup. Et puis d'autres s'en foutent carrément. Les Verseaux, si vous vivez en couple, un désir d'enfant pourrait vous titiller, les Verseaux. Attention, j'ai bien dit les Verseaux. Hein. Et pour terminer, les Poissons, vous nagez dans le bonheur. Ouais, c'est la facilité celle-là. Elle est belle. Vous prendrez plus d'initiatives que d'ordinaire dans votre vie de couple. Alors foncez ce matin, les Poissons. Saint-Valentin, quel est votre programme? Ou alors vous en foutez carrément. Ouais, pas de Saint-Valentin prévu au programme. 8h38, vous m'appelez. 02 38 43 48 00. Le DJ Toulonnais qui revient. Kygo avec la reprise de Marvin Gaye qu'on adore sur la radio couleur. Belle journée. Un petit coucou à notre ami Benoît Billard qui est venu nous voir ce matin à la bande FM du Loir. Il est là en survêtement, il est prêt à aller faire du sport. Puis JP qui arrive avant 9h. Ouais, JP avec plein de trucs à vendre. Et puis avec son émission Les Disques à la Demande. Oh là, ça me rappelle une vieille émission sur une radio à trois lettres. Bon réveil, bon petit déj avec le DJ toulonnais Kygo, Section Living, Marvin Gaye. a sea was storming inside me. Baby, I think I'm capsizing. The waves are rising and rising. And when I get that feeling, I won't set you healing. Set you healing. It's good for me. Ce petit DJ toulousain, pardon, Kygo, avec la reprise de Marvin Gaye. On est avec vous, c'est Frankie dans la radio. Côté météo aujourd'hui, ouais, ça va être grisâtre et ça, c'est toute la semaine. La météo. La météo pour aujourd'hui et puis pour toute la semaine. Le temps est nuageux, grisâtre avec de la pluie malheureusement. Et ça va perdurer jusqu'à au moins samedi. Quelques rayons de soleil samedi, mais très très timide. Et malheureusement, les nuages, la pluie. Mais la bonne humeur est là le matin jusqu'à 9h. Et aujourd'hui, oui, ah, il y a Jean-Pierre qui me met les cœurs. Tiens, bah, prenez les micros, il y a un Benoît. Vous allez prendre chacun un micro après. Avec Benoît qui va arriver dans la radio aussi. Ça me fait plaisir de les voir, des amis. Et soyez sages, les amoureux. Jean-Pierre qui me fait des cœurs. Et Benoît Billard qui est là, la bande FM du Loiret. On les accueille dans moins de 2 minutes. Thank you. qu'est-ce que c'était bon ça. Ah, je me vois déjà en discothèque, ils vont ouvrir là bientôt les clubs. Ça va être bon ça. Ah ouais. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Je suis pas tout seul ce matin, bah, y a Jean-Pierre qui est là, qui arrive dans 10 minutes. Salut Jean-Pierre. Salut, je t'aime. Ah, c'est le mec qui va dire ça toute la matinée. Salut Benoît, je t'aime. Salut Benoît. I love you. Toi aussi, I love you. Ça va Benoît, merci. Et merci d'être passé nous voir. Oh bah, c'est toujours un plaisir de venir à Arcachel. J'ai vu qu'il y avait une préférence à I love you, t'as répondu moi, il m'a pas répondu toi. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Je note. Mais j'aime tout le monde, moi. Je suis le saint patron de l'amour. Benoît, la bande FM du Loiret, bah, sympatoche, ton petit coup de passage à la radio. Ça fait plaisir. Tranquille, travaille pas aujourd'hui? Non, j'avais lundi, en repos. En vrai, je vois une gars à la caméra, je vois un mec qui sonne, je dis, c'est qui à sortir? Et je reconnaissais pas Jean-Pierre. En plus, ça le badge, tu vois, t'as pas besoin de sonner. Mais non. Après, tu peux l'oublier, hein, tu peux sonner si tu veux, un jetour. Oh, pied de biche, il y a un pied de biche. Un pied de biche, ouais, sinon on a un pied de biche. Tableau à côté avec un pied de biche. La bande FM du Loiret, qui est venue voir, puis qui est venue voir Jean-Pierre. Jean-Pierre, comment il va ce matin? Eh ben, écoute, ça va. Ça va avec le temps, donc ça va, tout va bien. Et les bagnoles à vendre, non, il y a quelque chose? Alors, voiture à vendre, il y en a une, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Et Mercedes encore, là, ça? Non, j'allais dire ça t'intéresse, mais non. Non, pas toi, mais oui. Par contre, j'ai une mini à vendre, si vous voulez. Hey, je peux la mettre dans ton émission? Ah, bah, bien sûr. Ah, bah, je vais te la donner après, hein. Ça te dérange pas? Oh, non, au contraire. Et bah, voilà, comme ça, j'aurais une idée, est-ce que elle est toujours pas vendue? Et en plus, il peut la dédicacer. Par contre, le mec qui a ma mini, attention, elle est collector, hein, je vous le dis, elle a là fait des soirées au Cap d'Aix, là. Et puis à Orléans, et puis dans les grosses soirées. Ah, cette mini, même quand j'étais dans une autre radio concurrente, je partais des fois avec. Ouais. Allez, prenez-la, hein. Je crois qu'il y a, comment il s'appelle, Bob Sinclair qui s'assied à côté de moi. Ah ouais? Ouais. Donc, s'il la voulait, allez à vendre. Tiens, je vais te la filer. Non, y a pas de problème. Ça te va ou pas? Ah oui, bien sûr. Bon, elle a un peu de borne, mais c'est un moteur BM dessus. Hein. Ah oui. Ouais. Donc non, après. Non, mais c'est bien pour le mec qui veut, oui, qui veut se la raconter un peu là. Non, mais en plus, alors c'est alors, le bon genre. État. C'est le genre de petite voiture pour la ville. C'est top. Non, sans déconner, c'est top. Ça, c'est bien, c'est pour se garer. Je peux te dire, tu te gardes dans un mouchoir de poche. Ah non, mais c'est clair. Ah ouais, tu te gardes n'importe où. J'en ai pris des PV avec ça là. Ah la vache. Ouais, mais t'as des relations. Non, j'en ai plus. Ça a changé à la mairie, hein. J'ai pas balancé des noms, mais j'ai plus Olivier Geffroy avec moi. Non, je suis. Oh, relations, c'est Saint-Valentin, bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors, soir, attends, on va commencer avec Benoît, la Saint-Valentin, soir. Benoît, quelque chose de prévu? Rien du tout, non. Toi qui travailles dans la boucherie, Ah, la transition. Rien du tout, mon ami. C'est la classe, tu vas nous faire un poulet aux olives. Non, pas de programme, hein, tranquille, Saint-Valentin. Non, soirée, raclette, tiens. Ah, bah, c'est bien, hein, j'adore. Ça va, qu'est-ce que c'est bon. Ça va. Bon, on sait où on va aller manger ce soir. Ce soir, on touche chez Benoît. Avec plaisir. Je vais vous filer l'adresse en antenne. Il habite à quelques pas de la radio. On peut même y aller à pied, nous. C'est ça qui est bien. Ah, je suis venu à pied. Exactement, grand sportif, Benoît. Et toi, JP? En voiture. Je suis venu. La Saint-Valentin. Ah, la Saint-Valentin. C'est plus dur, qu'est-ce qui se passe ce soir? Non, rien. Rien de spécial? Non, rien. T'as pas prévu un resto, des fleurs, non? Non. Un petit peu, quoi, un petit bouquet de fleurs. Non. Ah, moi, j'ai offert, ma femme, le contrôle technique de la bagnole. Ah, tu vois? Voilà, c'est un beau cadeau, ça. Chez mon pote Popo. Voilà, je le salue au passage. J'ai offert un contrôle technique, non, je rigole. Avec un petit cœur sur le siège. Ouais, passager. Sympa. Ouais. Je le salue au passage. Donc, alors, disque à la demande, c'est ça ce que je disais en antenne avec Benoît tout à l'heure. On en parlait à l'époque sur la radio avec les trois lettres. Et puis la Panthère, ouais. On la connaît cette radio, c'était les disques allemands à l'époque. Benoît, t'as connu ça toi? Ah bien sûr, oui. Ouais. Avec le nom de l'animateur, même si tu veux. Comment il s'appelait l'animateur? Serge Rep. L'encyclopédie de la radio. C'est un déconner. Ouais. Je suis sûr qu'il en connaît plus que nous, même sur Arc-en-Ciel. C'est clair. Ouais, Serge, Monsieur Rep. Ouais. Ah ouais, disque à la demande sur. Non, et puis après, sur Énergie, bien sûr. Ouais, tu peux le dire. Mais hein. Oui. Mais non, après, c'est vrai que ça fonctionne. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir beaucoup d'amoureux. Ah ouais, bah aujourd'hui, tu auras des messages d'amour, là, des petites love. Et on va, ça va être sur la planète, ça va être la déprime là sur les radios là ce matin, non? Enfin, peut-être pas les grosses radios comme où il y a de la dance, mais genre les nostalgies, tout ça, ça va envoyer du lourd, slow. Ouais, du slow, puis les RFM aussi, non? Oui, puis, c'est ça. Mais nous aussi on envoie du slow, moi j'en ai envoyé pas mal ce matin, des petits donc, slow. Non. Alors après, c'est vrai qu'il faut pas attendre le 14 février pour dire qu'on aime l'autre. Ah, c'est beau l'amour. C'est beau. C'est ça. Ça c'est la vraie parole, ça. D'homme. C'est ça. Voilà. Exactement. 14 février, la Saint-Valentin, on vous le souhaite en tous les cas. Faut aimer toute l'année. Toute l'année, on s'aime, nous, hein. Exactement. Bah, nous, on s'aime, on se fait des bisous. Enfin, pas avec le Covid, là, mais à travers la glace, à travers la glace blindée de la radio. D'ailleurs, faudra que la femme de ménage la nettoie. Elle est pas passée cette semaine? Non. Tu... Ah non, elle est propre la glace. Non, ça non c'est sympatoche. Ouais, elle est sympa la femme de ménage le matin. Oui. Elle parle pas, mais elle est sympa. C'est Bernardo, hein, moi, le... Zorro au début, tu sais, qui... ouais. Elle parle pas là. Bernardo. Voilà, c'est Bernardo le matin qui venait à la radio. Non, non, elle a le même physique? Non, non, pas Bernardo. Ah, mais elle parlait pas donc. Elle est chevelue. Ouais, elle est chevelue, pas comme moi. Moi, tu rigoles, mais ça va pas tarder. Hein, non, non, moi c'est. Ouais. Je vais aller en Turquie, moi. Ah ouais, ouais des implants, ouais des implants. On peut se faire des, on peut se remettre des cheveux. C'est vrai, hein, ça coûte pas une blinde, mais 3000 balles. Il y a ça et y a les dents aussi, les dents, c'est peut-être mettre des belles dents blanches, des cheveux. Bon, ouais, faut vieillir avec son temps. Mais bien sûr. Faut pas rajouter des trucs. Ouais, hein, je vais dire entre nous, c'est ce qui fait notre charme. Voilà. Ça la nature reprend ses droits. De toute façon, un jour ou l'autre, hein, vous aurez plus de Chico et plus de cheveux. C'est ça. Benoît, c'est quoi le programme quand tu bosses pas comme ça? Du sport, travailler un peu sur mes sites internet, puis bah aussi un peu me reposer quand même. Ah oui, parce que là-bas c'est le repos quand même, le jour de repos. Hein. Toi tu travailles dans la viande, dans la boucherie. C'est un sacré métier ça. Hein. Ouais. Toi t'es pas dans les chambres froides tout ça. Non, ah si. Ça caille là-dedans. Hein. Ça caille. Ouais, comme c'est comme dis, dans Rocky ouais. Quand il tape dans les trucs là, c'est pareil là. Un peu pareil. Ah hein, ça, d'accord, ok. Non, je voulais savoir. Il y a des carcasses. Ouais, tu peux te défouler quand t'es énervé dessus. Ouais, je viens de visiter ça un matin là. C'est possible ou pas tu crois? Oh, bah avec plaisir. Ouais. Je mets un anorak et puis je vais voir comment que ça se passe dans une chambre froide. Ah, ouais, avec plaisir. Ouais, découvrir un peu la vie quoi. Hein, parce que ça va peu. Il fait combien dans une chambre froide là? Moins combien? Chambre froide, non, c'est positif quand même. C'est pas surgelé donc. Entre 1 et 3 degrés. Oh, ça va, c'est comme deux. Ouais, mais bon, quand il fait déjà froid l'hiver, les journées sont longues. Oh, bah, c'est bien. Ouais. C'est bien, les amis. Bon, bah, merci d'être là, Benoît. Bon café. Plaisir, ouais. Jean-Pierre, on y va? On y va. Dans 3 minutes, 4 minutes. La pub qui arrive juste avant, bah, Magic System, tiens, avec, même pas fatigué aujourd'hui, bah non. Ah, ils ont raison. Ils ont raison. Bah, c'est normal, c'est la Saint-Valentin, c'est la vie, c'est la Saint-Valentin. Faut être en forme ce soir. Ce soir, ouais. Tac, ce soir. Allez, salut les amis. Fly, même pas fatigué. Bah non, aujourd'hui, non. J'espère pour vous, parce que c'est la fête des amoureux. Bonne fête à tous les amoureux. Jean-Pierre est là, il est dans les starting blocks. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard si vous voulez l'appeler pour vos messages dédicaces d'amour. Eh bien allez-y, lâchez-vous. Je vous retrouve demain matin 7h-9h. Salut la famille, rentrez bien et soyez sages sur les routes, hein. Prudence sur la tangentielle, ça roule un petit peu, ouais. Toujours en vacances pour certains, au ski peut-être. Belle journée, 7h-9h, à demain, ciao.